commencer, donc on va refaire les classiques. Ça dit quoi le sang? Oui, Magadé, tout ce qui a fait du fric. Pas besoin d'un featuring pour pouvoir percer. Si tu sais lire entre les lignes, tu vas pas tout capter. J'en ai rien à foutre du rap, moi je veux que vivre. En attendant le premier album, force est fou que j'étudie. Dès que je vais m'imposer dans le game, je vais enfermer des gueules qui depuis tout petit m'ont toujours rabaissé. L'industrie, elle est pétée depuis trop longtemps. Si je rentre maintenant, ça va la reboucher. Comme le trou de la sécu ou celui de Tago le soir. En attendant que l'heure de ton taf soit terminée, tu vas m'écouter, vas-y casse-toi de là. En toute modestie, je suis le plus jeune des génies. Non, en vrai, je suis qu'une arme qui fait de la décoctée rouilla. Si je n'ai pas de 10 et je suis trop fort pour l'industrie. Tout plus dans ma vie, j'y retire comme des épines. Les meufs m'avaient dégoûté quand j'ai dû en finir. Te corrompt la jeunesse avec ses cuchets étales. Un Charlie d'Amelio pour mon mot d'animal. Miskin la célébrité, chant foutu comme Gauthier. J'adsonne Éloire le bête paumé où personne sait où c'est. J'ai dit casse tous mes meilleurs potes qui me laissent tomber. Mais j'avais pas besoin de vous pour commencer à sombrer. Pas besoin d'être fondé sous coco comme Palmade ou Johnny. Pas besoin non plus d'une arme à feu car je suis pas dans le délit. Mais dans des nids de mes problèmes, pour en sortir je bouffe les bouillons cubes que ta daronne encore pendant ses soupes. J'ai pas parlé de gueux trop car je m'y connais pas. Pas non plus parler de cul car les meufs me dégoûtent. Plus une seule go fidèle qui va pas mettre pour ailleurs. Tout ce qu'elles veulent c'est la reco et te bouffer le cœur. Écœuré, peux pas savoir à quel point je suis désormais. Ce monde est rempli de merde, pas direction Andromède, à ce qui vient de la vie ailleurs. Sera toujours mieux qu'ici. Si tu viens, appelle les lots des parches SpaceX. La preuve que même sans thune, tu peux te lancer dans le rap. Juste un ordi, Cubase et un route comme Mike. Entre quatre murs de béton, dans le froid de l'hiver. Tu veux brouter de l'air, viens dans ma campagne frère. J'écris n'importe comment, je veux juste en finir. Si des meufs là avec mon son, j'aurais tout réussi. Réussi à prouver que j'ai pas qu'une sale gueule. Mais que tu peux dire ce que tu veux et t'auras toujours des dames qui m'y en soirée en lançant Spotify. Qui fantasme sur les vix pour qu'on pense et leur taille. Qui vont baiser le premier geekos pour le décoincer. Mais qui les laisse dans la rue se faire tabasser. En bref, tu connais ma mentalité, me voilà arrivé. Je vais pas repartir vite fait, tu sais. Elles sont toutes les merdes surproduites de maison. Me disent, fais de la place à Bubble Crazy. Because I'm coming.